D'un pas feutré, le faux automne s'avance avec rapidité. Et le vent monotone entonne ses refrains d'adieu à l'été. La forêt chante, l'entendez-vous? La vieille forêt de chez nous. Soudain voici que résonnent d'autres accents que ceux du vent. Les hôtes des taillis frissonnent, la biche fuit avec son fan. Le cor soupire, l'entendez-vous? Au fond des grands bois de chez nous. Ils sont qu'il faut qu'il meure, il se retourne vers les chiens. Le dicor brame, l'entendez-vous? Au fond des grands bois de chez nous. Sous le nord, il succombe, le flanc transpercé d'un épieu, et les échos de combe en comble répètent son lugubre adieu. Le cerf expire, l'entendez-vous? Au fond des grands bois de chez nous. La brise folle pleure l'ami superbe et doux. Toute la forêt se désole, hormis les chasseurs et les loups. La forêt pleure, l'entendez-vous? La vieille forêt de chez nous.